Les matériels d'assistance du gouvernement russe pour remédier aux dégâts des régions septentrionales de la province de Hamgyong du Nord causés par les déluges sont arrivés sur place. Le 15 courant, les villes de Pyongyang et de la Seon les ont reçus.